fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes, et loin de I'm